France Musique. Tout de suite, voici Laurent Vallière. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la 10e saison, figurez-vous, de 42e rue. On vous prépare encore des cabarets d'exception cette saison en direct et en public, à commencer dans 3 semaines par Michel Legrand pour les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. On vous racontera l'actualité foisonnante de la comédie musicale en France, à Hollywood, à Londres, à Broadway. Tout à l'heure, je vous offrirai d'ailleurs des places pour un enthousiasmant concert qui aura lieu mi-septembre à l'Opéra de Toulon. Voilà, chaque dimanche, vous pourrez encore dire que la comédie musicale, c'est sur France Musique. Et puis c'est tout. Nous ouvrons cette saison avec une curiosité et une partition de choix. Sur la grande affiche, nous avons mis la photo d'un célèbre romancier américain dandy, excentrique, qui s'essaie à la comédie musicale. Est-ce que vous saurez reconnaître sa voix au perché ? When her friends spoke of love, of men they had loved, Audley became sulky. How do you feel if you're in love, she asked. You must catch a wild bee. Attrape une abeille sauvage et tiens-la dans ta main fermée. Si elle ne pique pas, alors tu sauras que tu as trouvé l'amour. Il s'appelait Truman Capote. Avant son poignant roman à la frontière du journalisme de sang-froid, avant son portrait de femme libre dans Breakfast at Tiffany's, il avait créé une unique comédie musicale, La Maison des Fleurs. Thank you. Une abeille qui dort, A Sleeping Bee, l'histoire de l'abeille sauvage qui révèle l'amour, la chanson la plus célèbre de cette comédie musicale signée Truman Capote, La Maison des Fleurs, ici dans la voix de Leontine Price. La première chanson écrite pour ce spectacle, signée donc Truman Capote pour les paroles et quand même Harold Arlen pour la musique, le compositeur de Over the Rainbow. En 1952, Truman Capote a 28 ans. Il n'a écrit que deux romans, mais c'est déjà une célébrité. Excentrique, petit, avec son écharpe jaune, sa voix de fluet, on a autant commenté son premier roman, quasi autobiographique, Les Domaines Hantés, autour d'un préadolescent à la recherche de son père, que sa photo en quatrième de couverture où il pose à Langui. Son deuxième roman, La Harpe d'herbe, lui ouvre les portes de Broadway. Cette histoire encore très personnelle d'un orphelin qui trouve refuge dans un vieil arbre avec deux vieilles dames fascinent jusqu'au producteur Arnold Saint-Hubert, à qui l'on doit Kiss Me Kate de Cole Porter. Il lui propose d'adapter le roman en pièce de théâtre, puis de transformer en comédie musicale une de ses nombreuses nouvelles, La Maison de Fleurs, un texte de 10 pages qui se déroule dans les îles Caraïbes. Voici la chanson-titre interprétée par Barbra Streisand. Is made of flowers. The warm winds carpet the floor. Whenever there's spring showers, I open a the toad, the turtle, all make my home their home. My curtains are crepe myrtle, and the fireflies fly neath my my home's a home for all those things. What grows, what flies, what sings. If it all sounds tempting and it do you entice, I'd shout to the heavens that it do make it young, my heart was weaving in and out of romance. I wanted one man to believe in, no matter what the circumstance. Oh, I was willing to go live in the sea shack by the sea and and settle down with no misgiving and give all of me for free. If one man could believe in me, but the ways of you led me to vermouth, a branded two, and a chronic gin and tonic. Then my loving grew more versatile, till no one man could fill the bill. I cut down on my weeping, took up hot house keeping, and I got a lot of gardeners who know the kind of greenery I grow. Someday one man may call my bluff. Till then, one man ain't quite enough. So never fret, live and let all your lovely friends take their turn. I never met one lone wolf yet who teach you all you ought to learn. Someday one man may call my bluff. Till then, more men, 'cause one man ain't quite enough. In my youthful years, full of tears and beers, always in arrears. One scored and I was bored, and soon my real desires couldn't be concealed. So I had to yield and play the field. My attitude became more humorous, the more I dealt in numbers numerous. Oh, I sure was a good girl at being fair. Unless my loves were plural, I'd go stark raving mad. Someday one man may call my bluff. Till then, lots of men, 'cause one man ain't quite it. Suppose I have an ad lib filled in here for the record date, but we've been so terribly busy over the theater we haven't had time. I say one man ain't quite enough. One man is not enough. Un homme ne me suffit pas. Pearl Bailey dans House of Flowers à Broadway, qui incarnait la maîtresse d'un bordel à Haïti avec beaucoup de gouaille, la seule et unique comédie musicale de Truman Capote. La Maison de Fleurs, c'est l'une des nombreuses nouvelles qui avait fait la réputation de Truman Capote dans les années 40. À force de volonté, il les fait paraître dans le magazine de mode Harper's Bazaar, et sa plume, son esprit en font la nouvelle coqueluche. Pour La Maison de Fleurs, il s'était inspiré d'un voyage à Haïti avec son petit ami Jack Dunphy. Il avait passé ses soirées assis sur le porche de bordel et payait des bières aux prostituées qui, entre deux passes, lui racontaient les potins locaux tout en s'éventant. Dans La Maison de Fleurs, l'une d'elles, Ottilie, décide de quitter le bordel pour suivre un homme venu de la campagne. Chez lui, elle se retrouve face à face avec une grand-mère retors et jeteuse de sorts. Pour Broadway, Truman Capote réécrit le scénario. Problème le premier jour des répétitions. Le spectacle est trop long, quasiment 8 heures. J'avais écrit une pièce de théâtre complète et une comédie musicale complète, explique Truman Capote. Il faut élaguer. Et là, tout va partir à volo. C'est l'exemple extrême du flop. On change tout, jusqu'au nom des héroïnes, on laisse tomber la grand-mère, on rajoute une rivalité entre deux bordels. Le second est dirigé par une actrice qui avait fait sensation dans South Pacific, Juanita Hall. Thank you. Bartleby, would you care to come live with me? Oh, Mr. Jameson. It's not easy for me to ask for things. Though I did accept these golden teeth and rings. You've always been a generous friend. But if I was to come to cook for you, there's some special little favors I'd ask you to do. Well, now, for instance. Can I have a goat? I can't see. Why not? And a rabbit? Or even two rabbits? Two rabbits? Well, if they are of the same sex. And something else. Can I leave off wearing my shoes? Feel my bare feet on the ground? Steal away when spring comes around. Si, si, may we. Can I leave off cutting my hair? Let your hair get drenched in the rain. When I come home, will you complain? Mais non, jamais, jamais. What if I want a herd of goats, an alligator, or a honey bear? Oh, you can bring most anything, and you will find that I don't mind as long as you are there. Can it be you mean what you say? I will let you have your own way. Pour moi, c'est vraiment divine. Such an amiable arrangement ought to work out. You can leave off wearing your shoes if it helps to make you feel free. Anything that makes you love me. Cece, Macy, may we? Suppose you find I'm partial to drink. I will make believe I don't see. Will it change your mind about me? Mais non, jamais, jamais. What if I take my herd of goats to laze and graze on mountain fire? Oh, you can roam away from home. A wandering child be, you know that I'll be awaiting your return. Just nothing could make me stray. I will love you more every day. Pour moi c'est vraiment divine. Such a remarkable romance ought to work out fine. Can I live off wearing my shoes? Une chanson d'amour pour l'héroïne du spectacle House of Flowers, la jeune fille Ottilie en duo avec son amant royal, ici interprétée par June Erickson. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et vous pouvez bien sûr réagir en direct à l'émission sur la page Facebook de 42e rue et sur notre compte Twitter. Voilà. Arrivé à Broadway, Truman Capote va changer quasiment tout à sa nouvelle. Par exemple, la maison de fleurs évoquait la maison où habite le jeune homme dans la campagne. D'ailleurs, Truman Capote avait écrit « La glycine était magnifique sur le toit, un rideau de vigne ombrageait les fenêtres, des lys s'épanouissaient à la porte ». Ben, dans la comédie musicale, en fait, la maison de fleurs devient la maison des fleurs. En fait, un bordel, tout simplement. Et ça sera à peu près comme ça pour tout. Le romancier avait aussi la folie des grandeurs. On va embaucher pour cette comédie musicale Georges Balanchine pour la chorégraphie, son grand ami Cecil Beaton pour les décors et pour la mise en scène, le petit génie du théâtre, Peter Brook, 26 ans, metteur en scène d'opéra et roi de Shakespeare. Truman Capote, Peter Brook, tant de novices de la comédie musicale à la barre, il aurait fallu un miracle pour arriver à un succès. Il n'aura pas lieu. Heureusement, le compositeur Harold Arlen est là. Il avait dit « La nouvelle de Truman Capote est plus atmosphérique que servie par un suspense notoire. Elle aurait été mieux adaptée pour l'opéra. » Bon, il n'en a pas moins écrit pas mal de standards, Harold Arlen. It's not easy, it's never been easy to let anyone see the sentimental side of me. Hard as I try, I can't help but show it's my heart you're taking when you go. Don't like goodbye. Tears or sighs, I'm not too good at leaving time. I got no taste for grieving time. No, no, not me. You've been my near one. Always my dear ones, I never thought that I would find another love, a different kind, but it came to be. Well, if you think I'm telling you lies, go try your luck and look into his eyes. But remember, you must remember, he's mine, and my world overhead has a clear new shine. Don't wanna leave you, sorry to grieve you, it's traveling time and I. I see. night sky, the tree, but none so beautiful, not one so beautiful, like my love is, like my love is. Oh, once you see his face, can take the place of my love. Oh, a stone rolled off my heart when I lay my eyes on that near to me boy with that far away look. Right from the start, I saw a new horizon and the road take me where I wanted to be took, needed to be took. And though I never have seen snow, les alternances audacieuses d'accords mineurs et majeurs dans cette mélodie pourtant simple. Une mélodie signée Harold Arlen, le compositeur de House of Flowers en 1954, c'était Audra McDonald, I Never Has Seen Snow, et puis auparavant, Patti LuPone, Don't Like Goodbyes. Alors c'est Truman Capote qui parle. Harold Arlen, qui je suppose n'avait jamais écrit avec un auteur amateur auparavant, était tolérant, infiniment encourageant. Voilà ce que dit Capote. Et qu'est-ce qui pousse alors Harold Arlen, vétéran de Broadway et de Hollywood, à accepter de travailler avec ce jeune romancier? Eh bien justement, la jeunesse de l'auteur, son aura, sa célébrité et le fait qu'il sait parler de choses contemporaines. Lui, Harold Arlen, vient de composer les chansons de A Star Is Born avec Judy Garland et il réalise qu'il n'y a plus de travail pour lui à Hollywood parce que l'âge d'or des comédies musicales est passé. Il n'y a finalement que une ou deux chansons à composer dans les films maintenant. Il a beau avoir écrit Le Magicien d'Oz, seul Broadway est l'issue à son avis. Et Broadway, il connaît. Il a débuté au Cotton Club, on l'a d'ailleurs souvent pris pour un compositeur noir lorsqu'on lisait son nom dans le programme et qu'on entendait sa musique, parce qu'il a le jazz dans la peau. Sa musique mélange parfois des chœurs qu'on pourrait entendre dans une synagogue et puis ceux de Negro Spiritual. Truman Capote, en recevant la maquette de la première chanson de House of Flowers alors qu'il était en Europe, lui aussi l'a pris pour un noir. C'était la maquette de la toute première chanson, A Sleeping Bee. Eh bien, on l'a, cette maquette. Écoutez. When a bee lies sleeping in the palm of your hand, and true love comes a-creeping, and your heart understands, I'm feared of bees. Suppose I do like you say, catch one in my hand. Suppose he sting me. Then, child, you ain't in love. You're just in misery. But if he don't sting me, if he don't, I know I'm in love, same as all other ladies. Now, that's a fact. Absolutely. When a bee lies sleeping in the palm of your hand, and true love comes a-creeping, and your heart understands. More lyrics. like we hope. I done lost my ugly spell. I am cheerful now. Got the warm all over, so smooth in my worried brow. Oh, the girl I used to be, she ain't me no more. I closed the door on the girl I was before. Feeling fine and full of bliss, what I really wants to say is this. I never have seen snow. Can't be so beautiful like my love is, like my love is. Nothing do compare, nothing anywhere with my love. A hundred things I see, a twilight sky, that tree, but none so beautiful, not one so beautiful like my love is, like my love is. Once you see his face, nothing takes the place of my love. When I laid my eyes on that near to me boy with that far away look, and right from the start I saw a new horizon and a road to take me where I wanted to be took, needed to be took. Nothing can ever be beautiful as my love is, like my love is to me. House of Flowers, la seule et unique comédie musicale de Truman Capote ce matin. C'est sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique avec à l'instant le compositeur au piano qui interprète une de ses chansons, I Never Have Seen Snow. Un compositeur brillant élucide. Il avait dit que le premier acte était bien, mais que nous n'avions pas de second acte. Et d'ailleurs, la Maison des Fleurs sera un fiasco, un gâchis, diront certains, autant de stars pour un spectacle qui ne tenait pas la route. Un critique sera cinglant, trop mince, les personnages ne sont pas crédibles. Donc on ne peut pas mettre en cause le compositeur, on peut mettre en cause peut-être le metteur en scène, Peter Brook, au comportement raciste avec sa troupe afro-américaine. Il avait demandé un jour à un ami « Dites-moi, comment vous les dirigez, les artistes noirs ? Je ne sais pas comment m'y prendre avec eux. » De fait, il ne donnera aucune indication aux acteurs, dont Pearl Bailey, venue du cabaret. Alors House of Flowers devient une sorte de one-woman show de Pearl Bailey, qui fait du Pearl Bailey sur la scène. Truman Capote a écrit « J'ai essayé de la virer, sans succès. Elle a coulé le spectacle à elle seule, avec sa paranoïa et son égocentrisme. Moi, je trouve que les enregistrements avec Pearl Bailey sont pourtant impeccables. » What is a friend for? Should a friend bolt the door? When trouble knocks and the cradle rocks, is a friend just a metaphor for good times and nothing more? A friendship's never complete on a one-way street. Takes the two-way test to bring out the best. All the rest is just sheer badinage, only a mere mirage. Who needs a friend with a hasty heart? Who's only pleased with the tasty part? Enjoys a cherry without the stone. Loves to love, live alone. To my mind, there's nothing worse than that primitive, insensitive kind of person. I like a friend to be a full-time contributor. I don't devotee, that's what all a friend is for. I like my daiquiri strong. I want my loving long. If my heart you would move, you must constantly prove you're a man with the power to stay, honey. Real men don't fade away. Give me my talking straight. I'm not the kind who'll wait. Stating in advance, I will give you the chance to prove that I'm not an old bagatelle. Want it when things go well. Don't care for nothing that seems slipshod. I like to squeeze like two peas in a pod. Got no use for that type of elf. Plays all night, then leaves you to yourself. In my mind, I draw the line at that kind of egotistical, selfish wine. No part of me is taboo to pilgrims who dare to explore. One who will follow through, that's what an all-out friend is for. You're not sleeping well. Life's an empty shell. Breathing seems a bore. Well, honey, what you need to do is to find yourself a friend who might explore your and your. Mother can't clean this up no more. Well, ain't that what a friend is for? Pearl Bailey en 1954, What is a friend for? France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. La Maison des Fleurs s'arrêtera après 165 représentations le 22 mai 1955. C'est un échec. Et 13 ans plus tard, Truman Capote et le producteur font une nouvelle tentative, quasiment les mêmes chansons. Mais cette fois, on retourne au scénario de la nouvelle. Bon, ça n'enthousiasmera pas vraiment les foules. Mais il y aura un enregistrement avec des orchestrations. Vous allez l'entendre plus exotique, comme cette discussion entre prostituées. Tulip, do you know what we're like? Hmm? We are like missionaries. How do you figure that, Pansy? Well, on account of we spreading joy and gladness throughout the male population of this island. Oh, Tulip, we are doing good. When you fly in too high, like a bird sweeping the sky, and pulse makes you to pause, the main reasoning cause, two ladies in the shade of a banana tree are delectable desirous so we can be in the black, black shade of the banana tree. Ooh, ooh, they're in the shade, with lips pouting to please, and eyes rolling to tease, the most popular plan designed to capture man. Two ladies in the shade of banana tree, what a frolic and spectacle we can be, the ice cold shade of banana tree. Ooh, they're in the shade. Ooh, Tulip, the nights they always spend, nobody never wears a stitch too much from here to here, or even there to there. A man's fortunate child to be born on this elegant isle. You need no wedded wife to taste the joys of life. Look, see, nice, agree. Ladies in the shade of a cozy up closely the banana tree. Well, the guy who's gonna take a little liberty in the naughty shade of the banana tree. Ooh, there in the shade. When you pucker your lips and you wriggle your hips, you'll find man in a state where he just can't wait to snuggle up closely the banana tree. Where the sizzling climb suits him to a T in the ice cold shade of the banana tree. Sugar cane. A man's fortunate child to be born on this elegant isle. You need no wedded wife to taste the joys of life. Just lays away the day while the cockatoo sings, and your face with butterfly wings. Shake to the rhythm that the street band brings. Move with femininity fit for kings. Now look, see, nice, agree. Truman Capote, dont le petit ami jouait dans Oklahoma de Rodgers et Hammerstein, n'en aura pas complètement fini avec Broadway. Grâce au compositeur Harold Arlen, le compositeur de House of Flowers, il part suivre la tournée audacieuse de la troupe afro-américaine de Porgy and Bess derrière le rideau de fer en URSS. Les muses parlent sera un récit ironique, comique. Truman Capote se moque sans sourciller de la femme d'Ira Gershwin, tout en modernité. Il se moque des acteurs peu intéressés par la portée politique de cette tournée en URSS. Il se moque d'un journaliste du New York Times qui passe son temps à rêver des titres à la une. Et à sa façon, Capote distord parfois la réalité. Il invente une scène qui n'a pas existé pour mieux rendre compte du climat réel durant cette tournée et le voyage en train. Autant de procédés que Truman Capote utilisera largement dans son grand roman de sang-froid. Voilà, c'était un pas vers son néo-journalisme. Entre-temps, Truman Capote publie Breakfast at Tiffany's, qui connaît le succès que l'on sait, où il s'identifie à l'héroïne libre comme l'air, Holly Golightly, incarnée plus tard au cinéma par Audrey Hepburn. Et bien, c'est un roman qui sera aussi adapté en comédie musicale, cette fois sans la collaboration de Truman Capote. En voici deux magnifiques extraits. C'est Faith Prince qui a incarné l'héroïne. I'm beat, but if I get on my feet, wanna make the same mistakes again. Each one top drawer, though I'm back to hustling for just my coffee and my cakes again. I'm closed to the trade. Alterations must be made, but I'll catch a few good breaks and then new girl, new swing. Watch for the grand opening. While I'm salty and I'm young, up the ladder, rung by rung, to make the same mistakes. I'm pushed, I'm beat, but if I get on my feet, unhinged, unglued, but no change in attitude, gonna overcome the shakes and then new deck, new deal. Once my fingers get the feel, I'll be back with some supreme variations on a theme and make the same mistakes, the same. You're not the girl you used to be, the girl I knew before. The woman child who, when she smiled, could make my tears just pour. From room to room around our place, I sat there talking to your face. Around the clock, you're saying, Doc, I'm home. It's all there waiting. Here's the key. So come on, baby, come with me and be the girl you used to. Girl You Used To Be et Some Mistakes, Faith Prince, Al Linden, extrait de la comédie musicale Breakfast at Tiffany's d'après Truman Capote. Et puis enfin, en 1971, le second roman de Truman Capote est à son tour adapté en comédie musicale, La Harpe d'Herbe, un récit initiatique, un orphelin réfugié dans un arbre avec ses deux sœurs et des chansons signées Clive Richardson. If love is a chain of love, as nature is a chain of life, with link after link after link, then I've always been in love, I think. No youth ever stole my heart, no suitor ever sought my heart. I've nothing at all to confess, yet I've always been in love, I guess. I love a cat-shaped cloud, the sound of rain, a face of frost on a windowpane, with so many links in the chain. Each love collects in me like honey. And clove, though a foot high pot of coffee's on the stove. And there I love to speak of sleepy summers. They were long up when I was young. And to tell of lazy picnics in the hills when the leaves were alive, alive with whippoorwills. And I can't hold back my feelings and keep them safely sealed. Love bursts out of me and flies like a bird in a sunflower field. If love is a chain of love, as nature is a chain of life, a chain. La belle voix de Barbara Cook, Chain of Love, extrait de La Harpe d'Herbe, d'après le roman de Truman Capote. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez les titres diffusés ce matin. Barbara Cook a disparu cet été, c'était une grande soprano du théâtre musical, elle fut la première Cunégonde de Candide de Leonard Bernstein. Et bien la semaine prochaine, nous reviendrons sur sa carrière et nous la réentendrons, puisque nous avions eu la chance de la rencontrer à New York. Beaucoup d'actualités dans la comédie musicale en cette rentrée. Si vous aimez la comédie musicale, je ne vous conseillerais pas d'aller voir Jeannette, la caricature de comédie musicale de Bruno Dumont autour de l'enfance de Jeanne d'Arc avec au bas mot, je crois, 4 acteurs et un décor. Ça sort mercredi. Voilà, j'ai donné l'info. Mais plutôt, je vous conseillerais de ne pas rater samedi 16 septembre une nuit à Broadway à l'Opéra de Toulon. Un concert dirigé par Larry Blanc avec des extraits de Showboat, de South Pacific, de Oklahoma, de Anything Goes, de Call Me Madame. Je vous offre 2 paires de places pour ce concert. Pour les remporter, il vous faut tout simplement aller sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr et nous écrire. J'annoncerai les gagnants dimanche prochain. Quant à Broadway, capitale de la comédie musicale, eh bien plusieurs nouveaux spectacles ferment en septembre. The Great Comet, d'après Guerre et Paix, l'excellent Jour sans fin en comédie musicale, et puis une œuvre très jazzy autour de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bandstand. C'était certainement la partition la plus jazz de la saison. That's me, to a T. He might as well have said, hey Donnie, come and get your prize. I can write it in my sleep, but the trick is the delivery. And the difference that I have is I was there, made it through. Now my number one priority is to put a band together that did too. Every horn and clarinet will be a military vet and be playing with authority. Donny Novitsky, accordion genius, plays weddings at 7 years old. Then the piano, like fish tank to water, by 9 it's Fats Waller down cold. tunes of my own start to work themselves out. I'm a 12-year-old Irving Berlin. All of that promise and none of the payoff. I'm still playing weddings or taking my day off from bumming around, drinking gin. They say cream rises, but what if nobody tasted? If that cream rises, then spoils, it's gonna be wasted. But Donny Nowitzki could be Frank Sinatra if someone would give him a break. In fact, I'd be better, 'cause I play piano and he can't read music, the fake. Donny Nowitzki spent 4 years in battle. I carry the scars when I croon. Frankie Sinatra skipped out on the army and half the time sings out of tune. He's so flat. They say cream rises, but what if nobody knew it? If that cream rises and rots, then somebody blew it. Donny Nowitzki is finally looking at one little crack in the door. Get it to open, and right there behind it is everything I'm working for. Picture Donny Nowitzki, the Polish Italian, crooning his tunes, smoking his stogies, genuine vet of an army battalion. Thin tailored suits if I cut out pierogies. Bobby Socks are swooned at my charms, backed up by my brothers in arms. Donny Nowitzki knows this is a lifeline, a once a millennium shot. Gonna take it, take aim at my target, and hit it with all that I got. Donny Nowitzki has strong ammunition, plenty of talent, and burning ambition. Whose songs are authentic as well, from living through 4 years of hell. Donny needs something to block out the memories and break this insomnia spell. They say what if nobody tasted? If that cream rises and spoils, it's gonna be wasted. So make it all worth it and give it a meaning. Going from Cleveland to Hollywood screening, Donny Nowitzki is gonna win first prize. Donny Nowitzki is ready to roll. Cory Cott, Davy Nowitzki, extrait de la comédie musicale Bandstand. Merci pour votre fidélité. Ne perdons pas nos bonnes habitudes. Facebook, Twitter de 42e rue sont là pour communiquer ensemble plus que jamais. Le site francemusique.fr aussi. Notre prochain cabaret 42e rue, ça sera en direct, samedi 24 septembre, avec Michel Legrand et son trio de jazz à l'occasion des 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr à partir de demain. Vous étiez de retour sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière avec Martine Moni, Jean-Paul Lafavergès, Emmanuel Dupuis, réalisation Fabien Flora. Rideau. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.